Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bonjour à tous, il est 10h10, merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Antigone dans cette case du week-end qui commence dès maintenant. Radio Antigone et Phil FM comme depuis la semaine dernière, une émission qui commence jusqu'à midi. Donc bien sûr, est-ce que je vous ai dit qu'on était en direct? Peut-être par habitude, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, exceptionnellement puisque j'ai cours ce matin actuellement, en ce moment même là. Je ne sais pas ce que je fais, je me fais un coucou d'ailleurs si je m'écoute, il y a peu de chance que je m'écoute, surtout que j'ai pas l'habitude de m'écouter. Bref, en tout cas, j'ai cours ce matin, je ne peux pas assurer l'émission en direct. Vous aurez donc une émission dans les conditions du direct, ou presque, une émission en mode dégradé, un peu allégé, avec quelques chroniques, mais des chroniques très très allégées, très très simples, très très rapides. Par contre, eh bien, la meilleure playlist de Radio Antigone et de la case du week-end est là, puisqu'on va écouter des titres de Radio Antigone, mais également des titres assez récents de ces 4-5 dernières années. Hors playlist de Radio Antigone, comme d'habitude dans la case du week-end. Et puis nous écouterons également quelques classiques musicaux pendant ces 2 heures que nous allons passer ensemble. Je vous souhaite donc une très très bonne matinée à notre écoute, à l'écoute de cette case du week-end qui commence, eh bien, dès maintenant avec Radiohead. Voici Karma Police sur Radio Antigone. Merci beaucoup d'être avec nous. Il est quasiment 10h12. les sorties jeux vidéo. Nous sommes samedi, donc nous faisons un point sur les jeux vidéo qui vont sortir très très prochainement. Allez, c'est parti, on commence avec cette petite nouveauté qui est sortie hier, le 14 janvier, God of War. Un jeu tout nouveau, donc vous l'aurez bien sûr compris. God of War, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un jeu qui part un petit peu de mythologie, oui, puisque le but, est d'incarner, de prendre l'histoire de Kratos, qui, avant s'était vengé contre les dieux de l'Olympe, et qui vit désormais comme un simple habitant du royaume des dieux et des monstres nordiques. Et c'est dans ce monde inhospitalier et cruel qu'il doit combattre pour sa survie et apprendre à son fils à faire de même. Vous allez donc pénétrer dans le royaume du Nord et profiter de votre deuxième chance. Voyager dans un monde sombre peuplé de terribles créatures, nous dit la fiche du jeu, ainsi que prendre part à des combats physiques et viscéraux. Des graphismes haute fidélité sont disponibles sur ce jeu, une compatibilité avec, pour les connaisseurs, Nvidia DLSS et Nvidia Reflex. Voilà, vous pouvez personnaliser vos commandes et jouer même avec des écrans super large. Attention, ce jeu est réservé aux adultes puisqu'il est PEGI 18 et il est donc sorti hier à 49,99€ sur Steam. Voilà pour cette petite sortie jeu vidéo qui revient juste avant 11h si on a le temps, et pour l'instant on écoute Madame Monsieur. Voici Comme un voleur, c'est avec Jérémy Frérot. La vie c'est qui, c'est quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fout là? Comme par magie, on a décidé pour nous, c'est comme ça. Deux bras, deux jambes, un cerveau qui marche et qui crève et rêve et blesse. Des mains qui brisent et qui caressent. Une paire de seins, une paire de fesses. La vie, je te dis, c'est mieux quand c'est sombre et lumineux. Quand on n'écrit pas les règles du jeu, on se démerde, on triche un peu. À mon avis, il vaut mieux pas chercher d'où on vient, où on va. Ce sera moins beau quand on sera. Puis quand on trouve, il reste quoi? Moi je sais rien, mais j'ai pas peur. Je regarde les gens qui regardent ailleurs. Je leur pique le pire et le meilleur. Je fais des chansons comme un voleur. Comme un voleur. Comme un voleur. La vie, c'est con parfois. Quand sans raison, sans blabla, ça prend ce qu'on aime et nous laisse là, avec nos questions sur les bras. Mais d'où ça vient, ces coups du sort? C'est quoi ces bails avec la mort? On pourrait peut-être se mettre d'accord. C'est toi qui reste et moi qui sors. La vie, c'est trop bizarre. C'est la plus chelou des histoires. Pensée par un enfant qui joue et qui se permet tout. À mon avis, faut pas lutter quand c'est pas toi qui jette les dés. Ce serait moins beau si on savait. Y'aurait plus grand chose à rêver. Moi je sais rien, mais j'ai pas peur. Je regarde les gens qui regardent ailleurs. Je leur pique le pire et le meilleur. Je fais des chansons comme un voleur. Comme un voleur. Mais j'ai pas peur, je regarde les gens qui regardent ailleurs. Je leur pique le pire et le meilleur. Je fais des chansons comme un voleur. Moi je classe les claques à venir. Je le présente pas l'avenir. J'enrichis ma rime et mes mélodies. Je braque vos désirs, vos délires et ceux qui vous lient. Moi je classe les claques à venir. Je le présente pas l'avenir. J'enrichis ma rime et mes mélodies. Je braque vos désirs, vos délires et ceux qui vous lient. Comme un voleur. Radio Antigone, c'était Madame, Monsieur et Jérémy Frérot avec Comme un voleur. Aujourd'hui, l'économie. Et c'est avec Armand Moreau et Dominique Bayard aujourd'hui l'économie. Aux États-Unis, le retour de l'inflation a été confirmé par le dernier chiffre publié hier en décembre. La hausse des prix a atteint 7% en rythme annuel. C'est du jamais vu depuis 40 ans. La question maintenant, c'est de savoir qui va jouer les arbitres pour endiguer cette spirale. Petit problème technique, ça arrive même sur les émissions enregistrées, vous le voyez. Je vous le rappelle, émission enregistrée puisque je suis en cours aujourd'hui. Mais ce n'est rien, la chronique économique et la case du week-end sont tout de même ici. Dominique Bayard et Arnaud Moreau. Aux États-Unis, le retour de l'inflation a été confirmé par le dernier chiffre publié hier en décembre. La hausse des prix a atteint 7% en rythme annuel. C'est du jamais vu. Aux États-Unis, le retour de l'inflation. Rôle de la banque centrale et plus exactement de la. Et cette spirale de l'inflation. La question maintenant, c'est de savoir qui va jouer les arbitres pour endiguer cette spirale de l'inflation. Eh bien, c'est le rôle de la Banque centrale et plus exactement de la Réserve fédérale, puisque l'inflation est surtout pour le moment un phénomène très américain. Les prix flambent aussi au Royaume-Uni et la Banque d'Angleterre a déjà dégainé en relevant légèrement les taux d'intérêt. Mais vu l'importance de l'économie américaine et du dollar dans les échanges mondiaux, c'est surtout l'action de la Fed qui sera suivie de très très près. Son remède, c'est l'arme fatale face à l'inflation, une arme qui peut aussi être létale, puisque en augmentant le loyer de l'argent, en relevant donc les taux d'intérêt, eh bien on ralentit l'activité économique. Une banque centrale qui s'empresse de jouer au pompier pour mater la hausse des prix peut se retrouver dans la position du pyromane qui détruit l'économie et qui plonge ainsi le pays dans la récession. C'est donc une arme très sensible. Oui, l'un des gouverneurs de la Fed pense qu'elle pourrait recourir à 4 hausses des taux cette année, en 2022. Oui, la Fed communique beaucoup pour préparer les investisseurs et éviter la panique. D'ailleurs, cela marche plutôt bien puisque le chiffre publié hier a laissé les marchés indifférents. Ils avaient en tête les annonces précédentes de Jay Powell, le gouverneur de la Fed. Ce qui va compliquer la tâche du premier argentier du monde, c'est l'attitude de ses collègues qui ont pour habitude de suivre tôt ou tard la voie tracée à Washington. Mais pour le moment, leurs intérêts sont assez divers. Et en Europe, la BCE n'envisage pas de relever les taux. Alors elle dit que la hausse des prix va rester contenue et si elle ne se presse pas de relever des taux qui pourraient couper l'élan de la reprise, c'est aussi parce que certains États membres de la zone euro pourraient offrir, il faut à tout prix éviter, le retour de la crise de la dette qui pourrait ressurgir si les taux remontent trop vite et asphyxient les maillons faibles. L'Italie par exemple, l'un des pays les plus endettés de la zone euro, eh bien l'Italie sera un peu le baromètre de cette année 2022 confrontée à l'inflation. Enfin, il y a un autre acteur de poids qui est à contre-courant et c'est assez inhabituel, c'est la Banque Populaire de Chine. Elle aussi suit traditionnellement la voie tracée par la Fed, mais cette fois c'est différent. Avec le feuilleton de la faillite d'Evergrande, le géant de l'immobilier chinois, eh bien elle redoute une contamination à toute son économie et elle se garde bien de freiner la machine. Au contraire, elle va soutenir l'économie chinoise en injectant des liquidités. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de quoi nourrir encore la spéculation sur les marchés ? Tout à fait, l'argent continue à être très bon marché dans de grandes régions du monde et c'est bon pour la bourse bien sûr. Cela profite aussi aux crypto-monnaies. Ces nouveaux actifs hyper spéculatifs ont certes pris un coup de massue en d'années avec le retour de la flambée des prix, mais elles sont aussi devenues des boucliers anti-inflation dans les pays émergents où les ménages et même les entreprises, désemparées par la hausse des prix, la baisse de leur monnaie, investissent une partie de leur épargne ou de leur trésorerie en Bitcoin ou dans ses avatars. Les Turcs, par exemple, privilégient le Tether parce qu'il est adossé au dollar. Merci à vous, Dominique Bayard. Aujourd'hui, l'économie. Et merci à vous aussi, Arnaud Moreau, pour cette chronique. Et on vous retrouve bien sûr demain pour une nouvelle chronique économique. Je peux déjà vous dire de quoi nous allons parler demain. Demain, nous allons parler du Mali, puisque le Mali a reçu des sanctions économiques de la part de la CEDEAO. Voici tout de suite Billie Eilish, When the Party Over. nothing, oh, I'm no good for you. I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding. But nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. Like it like, say I like it like that, like it like that. Vous êtes sur Radio Antigone et vous venez d'écouter Billie Eilish avec When the Party's Over. Radio Antigone. Et merci d'être avec nous. Il est quasiment 10h30. Dans quelques instants, la suite de votre case du week-end. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Je vous l'ai dit, case du week-end allégée exceptionnellement aujourd'hui puisque je suis actuellement en cours. Voilà, donc je ne peux pas assurer cette émission en direct. L'émission est donc enregistrée et en version allégée avec bien quelques chroniques simplifiées ou qui ne sont pas là mais qui reviennent bien sûr demain lors de l'émission en direct. À suivre sur Radio Antigone, l'éphéméride qui lui sera là. Et puis voilà, on va écouter de la bonne musique comme d'habitude. Mais oui, de la très très bonne musique sur Radio Antigone. À suivre Alain Bashung ou encore Bull avec Paradise et même The Strokes, The End Has No End. Mais pour l'instant, eh bien, ah bah c'est ce qu'on écoute tout de suite d'ailleurs. Take a walk. Merci d'être avec nous sur Radio Antigone dans cette case du week-end un peu allégée. Voici, c'était The Stroke, ou The Strokes, The Strokies, je ne sais toujours pas prononcer certains artistes, même j'enlève le certain, les artistes anglophones, voilà, j'ai toujours du mal, tout comme les titres, bon là ça devrait aller, The End Has No End. Ça va, c'est à peu près facile, mais c'est en même temps difficile parce qu'il y a les, ouais, le end as no, c'est compliqué à enchaîner. As a no end. Ah, voilà, là, ça ne va pas. The end as no end. Voilà, c'est ce qu'on vient d'écouter. Vous voyez, il y a même des petits sketchs dans les émissions préenregistrées puisque j'adore les sketchs totalement nuls comme vous venez d'en écouter. Sur Radio Antigone, il est un peu plus de 10h34 et je vous propose qu'on continue directement en musique. Mais oui, directement en musique. Dans quelques minutes, il y aura votre éphéméride. Mais avant, voici un excellent titre de l'année 2020. Bull avec Paradise. I've been through all this fear, but day after day still working. No one's gonna give you a break. It's all right where you're standing. And I have to make it all right. I'm gonna feel all right. And just make it better over. I'm gonna make it alright. I'm gonna tell her I give a try. Well, I don't know if I'm gonna make it or lose control. If I'm gonna win it or I'm by the road. My baby, all I can say to you, I'm gonna try it to paradise. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trompes. travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. L'éphéméride. L'éphéméride est là, en effet, à 10h42, un petit peu en avance par rapport à d'habitude. Au moins, il est plus proche de l'horaire auquel il devrait être, il est même 10h43. Donc, je crois que c'est l'horaire officiel annoncé sur le conducteur, d'ailleurs, 10h43. Donc, au moins, on est à peu près dans les horaires, même pour une émission enregistrée. C'est quand même pas mal. Heureusement, pour une émission enregistrée, d'ailleurs. L'éphéméride, donc, après avoir passé... 30 secondes à parler pour rien et finir par s'étouffer, ce qui est toujours très très bien. Je peux vous dire donc que nous sommes le 15 janvier 2022. Pour ceux qui sont pressés d'aller en 2023, eh bien il reste 350 jours avant la fin de l'année. Et oui, seulement. Bonne fête au Nino, au Nina, au Ninon, ou alors au Zodoric, voilà. Il n'y a pas de journée mondiale aujourd'hui. Hier, c'était la journée mondiale de la logique, je le dis au cas où. Niveau anniversaire, Eh bien, bon anniversaire aujourd'hui à Carla Moreau, qui a 25 ans. Bon anniversaire au rappeur Pitbull, 41 ans. Mary Pierce, l'ancienne joueuse de tennis, a aujourd'hui 47 ans. La danseuse Aurélie Dupont a 49 ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire également... Eh bien, à Catherine Trottmann, femme politique française, 71 ans aujourd'hui. Et puis, bon anniversaire également au philosophe Frédéric Lordon, un philosophe français, né en 1962 et qui a donc tout pile 60 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à lui. Voici quelques événements s'étant déroulés un 15 janvier avec, eh bien, tout d'abord en 1910, le 15 janvier 1910, le Congo français qui est devenu officiellement l'Afrique équatoriale française. Voilà. Toujours, eh bien, dans le XXe siècle, Tangreto Neves qui, le 15 janvier 1985, devient le premier président civil du Brésil depuis 21 ans. Et puis, on termine avec un autre événement s'étant déroulé. Un 15 janvier, on va remonter un peu plus dans le temps avec, eh bien, en 1797, le 15 janvier, donc, 1797, la victoire de Bonaparte sur les Autrichiens à Rivoli, en Italie. D'où la bataille qu'on appelle la bataille de Rivoli, qui a eu lieu les 13 et 14 janvier, donc, et une victoire, eh bien, il y a de nombreuses années, jour pour jour, aujourd'hui. Voilà pour cette éphéméride sur Radio Antigone. Radio Antigone, 10h, midi, la case du week-end. Et oui, la case du week-end qui se poursuit. Nous sommes ensemble jusqu'à midi dans cette version allégée puisque je suis actuellement en cours. La case du week-end se poursuit donc avec dans quelques instants Zazie, Speed. Il y aura également False avec Olympic Airways ou même Julian Peretta et son titre d'il y a quelques années Feder que nous allons pouvoir écouter avec grand plaisir. Mais pour l'heure, voici Michel Berger, la groupie du pianiste. Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir. La groupie du pianiste. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste. La groupie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre. La groupie du pianiste. Devant l'hôtel dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste. La groupie du pianiste. Elle le suivrait jusqu'en enfer, et même l'enfer c'est pas grand chose. Sur terre, et elle y pense dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle a les droits sur son sourire, elle a les droits sur ses désirs. La groupie du pianiste. Elle sait rester là sans rien dire, pendant que lui joue ses délires. La groupie du pianiste. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier, en rêvant qu'il va l'emmener. Passer le reste de sa vie, simplement à l'écouter. Elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe. La groupie du pianiste. Mais Dieu que cette fille prend des risques, c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à part rêver seule dans son lit le soir entre ses draps roses. Elle est là, plus que tout elle est, c'est beau comme elle est. Elle est là, c'est fou comme elle est, c'est beau comme elle est. C'était Michel Berger dans la case du week-end de Radio Antigone, la groupie du pianiste. Et la musique continue dès maintenant avec Juliane Peretta. Voici Feder sur Radio Antigone. Il est 10h50. She's got back, dark brown eyes. She ain't looking shy, dancing to my song. A nice summer breeze, can't cool down. Was 100 degrees, and then her clothes fell off. How'd she go so low, low, low? Where'd she learn that? Everyone came for the show, but I want her to be my private dancer. Les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. depuis le temps que tu dors. Ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, vas-y, c'était Speed, extrait, pardon, oulala, j'ai du mal à parler encore une fois, extrait de son album L'Essentiel. Radio Antigone. Il est 11h passé de un peu plus d'une minute, merci beaucoup d'être sur Radio Antigone. Le programme télé arrive dans quelques instants et nous partirons au Chili aussi. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. La deuxième heure de cette case du week-end, toujours, eh bien, en enregistré en version dégradée et allégée exceptionnellement, car je suis actuellement en cours, mais je tenais à assurer cette émission, et je vais essayer de faire comme ça, hein. Les prochaines fois, il y a déjà eu quelques cours les samedis qui ont empêché, eh bien, l'émission de se tenir comme il le fallait. Je vais essayer maintenant d'avoir le temps de préparer tout de même une émission à vous diffuser le samedi, comme celle-ci, qui est principalement musicale, mais qui a quand même quelques creux chroniques et notamment le programme télé. Bah oui, il arrive dans quelques minutes le programme télé. Et puis dans la prochaine demi-heure, on ira également au Chili retrouver notre correspondant, non pas notre correspondant maître, mais notre journaliste de la rédaction de notre partenaire RFI, Altin Lazage, que l'on retrouve régulièrement sur Radio Antigone, et puis qui nous parlera d'une mine de lithium au Chili qui est devenue un sujet de contestation là-bas. Altin Lazage nous explique tout dont, allez, on va dire une vingtaine de minutes. Voilà. D'ici là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il y aura Martin Garrix avec Justine Hilo et Dewen Whitmore. Ce sera Burn Out. Quoique, alors attendez. Oui, voilà, on va écouter ça, en effet. Nous allons également, sur Radio Antigone, profiter d'Amon Tobin, Like Regular Chicken. Et puis, pour l'instant, eh bien, allez, c'est parti, on est reparti dès maintenant en musique avec un titre datant de 1983. Et oui, c'est un titre de Yes, Honor of Lonely Heart, tout de suite sur Radio Antigone. C'était Honor of a Lonely Heart sur Radio Antigone. Un bon classique musical, ça fait toujours du bien. Il est 10h07, merci beaucoup d'être avec nous. Vous l'avez entendu tout à l'heure, même sur une émission enregistrée, il y a des bugs. Et je laisserai comme tel, puisque l'émission est enregistrée dans les conditions du direct. C'est pour ça qu'il y a un peu moins d'une heure, il y a eu quelques petits problèmes techniques. Mais là, il n'y en a pas sur Amon Tobin. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Fire sur Radio Antigone, mais oui, bien sûr, vous les aurez sûrement reconnus. C'était Ready to Start. Ready to Start, tout le programme télé. Radio Antigone, le programme télé. ou plutôt Ready to Start to the TV program, sure. Et on commence par We Starting by TF1. TF1 propose the grid concours. Non. Bref, on va le faire en français avec un vrai accent, bien sûr. Alors, sur TF1, à 21h10, un nouveau numéro du grand concours spécial pièce jaune aujourd'hui. Puis TF1 le divise en deux parties. Première partie à 21h10 et deuxième partie à 22h35. Vous n'y verrez quasiment que du feu, ça sera caché entre une page de pub. Sur France 2, le retour de Spectaculaire avec Cyril Ferraud et Jean-Marc Généreux. C'est à partir également de 21h10 et c'est suivi bien sûr d'On est en direct avec Laurent Ruquier. Sur France 3, Meurtre au Mont-Saint-Michel. Sur Canal Plus, le film The Trip à partir de 23h04. Sur France 5, Inédit Échappé Belle qui part en Namibie pour parler d'un miracle en plein désert. Sur M6, nouvelle série télé, 911 Lone Star, c'est inédit et c'est à partir de 21h10. Sur Arte, à 20h50, le magazine Enfant du Soleil qui vous parle ce soir des Mayas. Sur C8, le jour du kiwi à partir de 21h08, c'est un magazine inédit. Sur W9, inédit également La Petite Histoire de France, il y a plusieurs numéros inédits ce soir. Sur TMC, énième rediffusion de Colombo, suivie d'une rediffusion de 90 minutes enquête. Sur TFX, chronique criminelle, qui s'intéresse ce soir à l'affaire Felipe Parera, mortel Saint-Valentin. C'est inédit et c'est à partir de 21h05, c'est suivi d'une rediffusion. Sur NRJ12, à 21h05, Modern Family. Sur LCP Public Sénat, à 21h, l'homme du président. Sur France 4, ou plutôt, eh bien, même pas Culture Box, à partir du soir, mais France TV Sport, hein, on reste sur France 4 et pas sur Culture Box, donc je viens de vous le dire, avec eh bien, du rugby, la troisième journée de Challenge Cup, la poule B avec Perpignan qui affronte Lyon, rendez-vous à 20h50 pour ce match. Sur BFM TV 7 jours BFM, sur CNews Soir Info Weekend, sur C-Star Ghost Adventure, plusieurs épisodes inédits de cette série télé. Sur Gulli, la grande vidéo partie, plusieurs numéros ce soir. Sur TF1 série film, plusieurs rediffusions de Joséphine Ange Gardien, bien sûr, mais oui, Joséphine Ange Gardien, avec le numéro qui s'appelle La Fautive, et le deuxième c'est Les Deux Font la Paire. Oui, c'est vrai, Les Deux Font la Paire. En effet, je crois que c'est vrai. Que cette personne a raison. Sur la chaîne L'Équipe, la Ligue 2 BKT, avec la 21e journée, proposée en multiplex à partir de 19h. Et puis un petit peu plus tard, le soir, il y a de la Coupe d'Espagne sur la chaîne L'Équipe. Betis qui affronte le Séville FC, ce sont les huitièmes de finale de cette Coupe d'Espagne que vous propose en direct la chaîne L'Équipe. Sur Sister, les Simpsons à partir de 21h05, soirée Simpsons bien sûr, comme souvent les samedis. On continue avec les deux RMC qui vous proposent les deux des programmes inédits. Sur la première, RMC Story Alien Theory, plusieurs épisodes inédits toute cette soirée. Sur RMC Découverte, également plusieurs épisodes, mais cette fois de Seul face à l'Alaska. Sur Chérie 25, Grand Hôtel, suivi de rediffusion de Crime. Et sur LCI, vous avez rendez-vous avec les docs LCI à 21h. Les informés, ça c'est sur France Info à 20h03, suivi de votre magazine Le Monde dans tous ses états à 21h15. Voilà pour votre programme télé qui comprend même aujourd'hui les chaînes info. Et tout de suite, la musique est de retour sur Radio Antigone. Qu'est-ce qu'on écoute de bon? Eh ben, je vous propose tout de suite qu'on écoute Martin Garrix, Justin Milo et Dewayne Withmore. Voici tout de suite Burnout, un titre datant de 2018. Flash forward, I'm coming for you. You're gonna feel me like the summer, like the sun in your eyes. Hold tight, another minute, another hour, baby. I'ma show you you can rely on me. I'll give you all you need. In a small cloud, trying to find ground in the place where we belong. dollars for us to have a kind of life you only see in a dream. Wake up, 'cause now you're in it. I wanna show you all the magic in the air, and tonight it's free. It'll be all you need. In a small cloud, try to find ground in the place where we belong. We don't have to dream to make it beautiful. Baby, everything we do is beautiful. We can light a fire, watch it ever glow. We won't burn out, we won't burn out. We won't burn out, we won't burn out. We won't burn out, we won't burn Martin Garrix avec Justin Milo et Dewen. Alors attention, le titre est caché, bah le nom est caché, Dewen Whitmore. C'était Burn Out à l'instant sur Radio Antigone. Et voici tout de suite Aujourd'hui l'économie. Aujourd'hui l'économie. Et au Chili, le lithium est devenu un sujet de contestation, ravivant le débat sur la nationalisation de cette matière première essentielle à la transition énergétique. L'opposition de gauche appelle à manifester dans la rue contre l'appel d'offres du gouvernement pour l'exploitation privée d'une partie des réserves du pays. C'est ce que nous explique dès maintenant Altin Lazage. Le gouvernement de droite a lancé en octobre dernier un appel d'offres international pour l'exploitation d'environ 4% des réserves en lithium du pays, juste deux mois avant la victoire du candidat de gauche Gabriel Boric. L'appel d'offres vise à attribuer l'exploitation de 400 000 tonnes de lithium. Pour le gouvernement chilien, il s'agit d'augmenter la production de ce minerai afin que le Chili retrouve sa place de leader mondial. Selon le ministre des Mines, le pays était jusqu'en 2016 le premier producteur de lithium au monde avec 37% du marché. Il est passé depuis à la deuxième place derrière l'Australie. Mais pour l'opposition de gauche, il n'est pas question de développer la privatisation de cette ressource. Elle a d'ailleurs demandé devant les tribunaux la suspension de l'appel d'offres, demande rejetée vendredi par la Cour d'appel de Santiago, car hors délai. Le temps joue en défaveur des contestataires. Gabriel Boric prend ses fonctions le 11 mars, tandis que les attributions de licences d'exploitation seront connues le 14 janvier. Le nouveau président envisage pourtant de créer une société nationale du lithium, à l'instar de l'entreprise publique de cuivre Codelco, nationalisée en 1971 et aujourd'hui première productrice mondiale du métal rouge. Avec l'essor des véhicules électriques, le lithium est devenu un métal stratégique pour les pays producteurs. Le Chili, qui dispose des plus importants gisements au monde, envisage même de doubler sa production d'ici à 2025. En effet, selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale de lithium va augmenter de 42% d'ici 2040 grâce à la production de batteries électriques dont le lithium est un composant essentiel. Merci beaucoup à vous, Altin Lazage, de la rédaction de notre partenaire RFI. Voici Hocus Pocus tout de suite. When there's a groove like that, everybody feels good. Yeah, scratch posé, ou speed double timing. Pat, face en un drumming, au beat Jeffrey. Scratchant les battements, craquant les accents, jusqu'au moindre craquement. Creusant le sillon jusqu'à la poitrine. Et si ça saute, et si ça saute, et si ça saute, ça finit en backspin. Ato, grim, père, pincé, les phalanges crispées sur le vinyle. Practice avec un freestyle avec un. Si tu remixes ce morceau, DJ, pitch pas ton avoir. Mais n'hésite pas, que la cape est là. Yes, vous êtes sur Radio Antigone, en plein cœur de la case du week-end avec C2C et Hocus Pocus. C'était Feel Good à l'instant. Radio Antigone. Et c'est la dernière demi-heure qui commence déjà avec les actus du numérique et les sorties jeux vidéo à suivre. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Et oui, elle est là, la case du week-end, même si je suis actuellement en cours, elle est là, une émission en mode dégradé, un petit peu allégée, mais elle est là, elle a été enregistrée pour qu'elle se passe le mieux possible et surtout qu'elle puisse avoir lieu. C'est donc le cas, merci beaucoup de nous écouter, on va écouter de la très très bonne musique, comme d'habitude dans la case du week-end et plus généralement sur Radio Antigone. Dans quelques minutes, nous allons pouvoir écouter Bruce Springsteen avec Born in the USA. Ah, voilà, ça c'était l'imitation ratée du jour. Il en fallait bien une, allons. Je n'en avais pas encore fait de chant aujourd'hui. Donc un petit karaoké a cappella, ça fait toujours du bien. On va également écouter, ah bah elle s'est beaucoup mieux chantée, Clean Bandit Symphonie. Alors là par contre la voix ça va être un peu plus dans les aigus et vous allez voir c'est assez puissant. On va également écouter Ses Amis avec Mess et puis oh Clara Luciani et les Chemical Brothers. Bref, un très très beau programme pour vous accompagner jusqu'à quand? Eh bien jusqu'à midi, heure à laquelle vous retrouverez le radio journal de notre partenaire RFI. Les actus numériques, pour parler très rapidement de Steam Deck, arrivent dans un tout petit instant. Après donc un petit peu de musique, voici tout de suite Ses Amis avec Mess. Told me that I- Merci d'être avec nous sur Radio Antigone. Voici tout de suite Clean Bandit Symphonie. I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part. Symphonie sur Radio Antigone. Ah, la suite ne part pas visiblement. Toujours pas ? Bah alors, que se passe-t-il ? Ah ! Ah, il y a visiblement un bug. Super ! Radio Antigone. Les actus du numérique. Bon, un bug, ce n'est pas grave, voilà. Il est 11h39, les actus du numérique sont là, malgré cette émission qui est en mode dégradé exceptionnellement aujourd'hui, puisque je suis en cours. Et nous partons en direction de Valve. Valve, c'est la société qui édite Steam. Eh oui, Steam. Alors Steam qui a annoncé, à l'été dernier, sortir très très prochainement le Steam Deck. Qu'est-ce que le Steam Deck ? Alors déjà, un petit rappel de ce qu'est Steam. Steam, c'est une plateforme avec un grand catalogue de jeux vidéo. C'est-à-dire que les jeux vidéo, la plupart des jeux vidéo du monde sont sur cette plateforme. Et puis, ça vous permet d'avoir un catalogue réuni au sein d'une même plateforme. Vous pouvez acheter vos jeux, un jeu de tel éditeur, le jeu d'un autre éditeur. Et puis, avoir ça sur votre compte Steam. Vous pouvez les installer sur n'importe quel PC, avoir des parties synchronisées. Et tous vos jeux sont sur le même système accessibles facilement via le même logiciel, via la même bibliothèque, la bibliothèque Steam. Steam qui a donc promis eh bien, de sortir le Steam Deck. Le Steam Deck, c'est-à-dire un équivalent, niveau ressemblance, c'est bien du Nintendo Switch. Nintendo Switch, en quelque sorte, une console portable permettant eh bien, de jouer aux jeux de la plateforme Steam, tous les jeux, voilà, la plupart des jeux, en sachant que certains seront qualifiés pour être 100% compatibles. Malheureusement, à cause de la pénurie, eh bien, de semi-conducteurs, les difficultés d'approvisionnement de composants, eh bien, le Steam Deck qui aurait dû arriver sur le marché en décembre et donc pour pouvoir avoir quelques ventes lors des vacances de Noël et lors de la période de Noël, eh bien, ne devrait sortir que dans les mois qui viennent. On nous annonce fin du mois de février. C'est ce qui vient d'être annoncé par Valve, l'éditeur de Steam. Donc, l'équipe est de retour de vacances, c'est carbure à fond, c'est ce qu'a expliqué Valve dans ce communiqué qui a été partagé en français, en plus, cette semaine. Le Steam Deck, donc, va très très bientôt arriver. Et puis, les testeurs vont redoubler d'efforts pour attribuer l'étiquette de compatibilité Steam Deck Verified, qui est bien basée sur plusieurs critères, va pouvoir de valider un programme concernant sa compatibilité totale au Steam Deck, puisque en fonction de la façon dont c'est codé, ça peut ou non ne pas fonctionner. Pareil pour les commandes. Il y a deux choses, hein, déjà la fabrication et puis également l'étiquette pour certains jeux, la compatibilité Steam Deck Verified. Pas plus d'informations pour l'instant. Je rajoute tout de même que Valve continue d'envoyer aux développeurs de jeux vidéo les kits de développement qui vont permettre à ces mêmes développeurs eh bien, d'adapter leurs jeux et de savoir comment développer leurs jeux pour qu'ils soient directement et automatiquement sans aucun problème compatibles avec le Steam Deck, ce qui est pratique si un éditeur ne veut pas avoir à recoder totalement son jeu pour qu'il soit compatible avec ce Steam Deck. Voilà pour ces dernières informations. On attend donc le Steam Deck fin février. Vous êtes sur Radio Antigone après cette chronique extrêmement longue. Je ne sais pas pourquoi, parce que je sais pourquoi. C'est parce que je suis parti dans des choses trop compliquées et des phrases sans aucune relation entre elles, donc c'était un petit peu complexe. Je crois, j'espère que vous avez compris que cette chronique vous a intéressé. Il est donc 11h43, je vous l'ai dit, et on écoute dès maintenant de la très très bonne musique sur Radio Antigone. On écoutera Bruce Springsteen avec Born in the USA. Les Chemical Brothers arrivent également sur Radio Antigone. Mais pour l'instant, voici la grande Clara Luciani avec Monstre d'amour sur la radio à vif dans la case du week-end avec vous jusqu'à midi, bien sûr. C'est comme si j'étais devenu un monstre d'amour. Mes jambes flanchent. Je finirai par m'étouffer dans tout ce velours. J'ai beau hurler, mes cris sont sourds. Dis-moi, dis-moi pourquoi je sens ton poids dans des eaux, dans des ombres dans lesquelles je me noie. Transformé en monstre d'amour, et j'ai perdu famille et bravoure. Mes yeux ont appris par cœur tes formes et tes contours. Il les devine quand s'éteint le jour. Dans lesquelles je me noie. C'était Clara Luciani sur Radio Antigone, monstre d'amour. Il est 11h46, il est temps de regarder ma montre, mon horloge et mon digicode. Non, mon digicode, ce n'est pas ça du tout. Oui, j'ai fait exprès, hein, je savais que ça n'avait rien à voir. Par contre, ce qui a à voir avec Radio Antigone, c'est la musique et les Chemical Brothers. I could go to Japan and back. You kidding me? Amazing. Jeez. Polluted water can kill both baby salmon that are developing and the adult salmon that are on their way to spawn. Wow, what a shame. What a shame. Huh? Whoa. Wow. Hey, kids. Hey, give it up for Sammy the Salmon and his amazing salmon dance. Huh? What do you say? All right. Who's hungry? 10h, midi, la case du week-end. Took us when I hit the ground. In the black, a dog has been beat you. sur Radio Antigone, c'était Bruce Springsteen avec Born in the USA. Et dans quelques instants, nous allons finir cette émission avec Timber Rose, Back on My Feet. Les sorties jeux vidéo. Mais avant, on parle très très rapidement jeux vidéo avec eh bien les jeux récemment sortis. Et hier, vendredi, est sorti le jeu Supraland Six Inch Under. Eh bien, c'est un jeu qu'on appelle un Metroidvania à la première personne. Dans eh bien ce jeu, vous trouverez, vous serez dans un monde clôturé et chaque nouvelle compétence va vous permettre d'accéder à de nouvelles zones du monde. Le gameplay est à peu près constitué à 55% d'exploration, à 40% de résolution d'énigmes et à 5% seulement de combat. Une aventure qui dure entre 8 et 20 heures. Aucun arbre de talent n'existe sur ce jeu comme ça existe sur d'autres jeux. Il y a des centaines de blagues dedans et de blagues drôles, ça c'est ce qui nous est dit dans la description. Alors l'histoire, est partie d'un petit projet secondaire de la part d'une société. Alors c'est un jeu voilà très très sympathique. C'était censé être un petit DLC pour le jeu Supraland, mais bon voilà, c'est un jeu d'exploration avec un logo qui ressemble un peu au logo d'Indiana Jones. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir dans ce jeu. C'est un mélange de Portal, Zelda et Metroid, exploration, énigmes et combat. J'aurais dû commencer par ça bien sûr. Voilà pour ce petit jeu vidéo qui est donc sorti il y a quelques jours, seulement hier, le 14 janvier, et qui est en réduction actuellement sur Steam, 16,99€ au lieu de 19,99€. Supraland 6 inch under, c'est à retrouver donc sur Steam, je vous l'ai dit. Je suis un petit peu speed au niveau du temps, on écoute un petit extrait de Kimber Rose, voici Back on My Feet. Oh, I know I've been there before, but I ain't sorry, it's plain to see. I just let go this time for sure. And yeah, I made my mistakes. Time to escape. At least I'ma give it a try. Sur Kimber Rose Back on My Feet que cette émission se termine. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. Sachez que, elle était, je vous l'ai dit, enregistrée car je suis actuellement en cours et ce jusqu'à la fin de l'après-midi. Une émission qui, j'espère, vous a plu malgré la façon dont elle a pu être produite. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission qui sera cette fois en direct. Et oui, rendez-vous donc à 10h sur Radio Antigone en direct pour une nouvelle case du week-end et bien sûr également sur Phil FM. Phil FM qui est en simultané avec Radio Antigone depuis la semaine dernière. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être avec nous. Dans un instant, un nouveau journal arrive, le radio journal de notre partenaire RFI. Très bonne journée à tous. tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.